Chapitre 8. Différence fondamentale entre Gwendalavir et l'autre monde. Il n'y a pas de religion ici. Pas de dieu, d'entité surnaturelle ou de divinité à adorer. Mais est-ce vraiment exact? Nous avons la dame. Maître Carboast, mémoire du 7e cercle. Salim! Salim! Salim! Le garçon leva un visage inondé de larmes. Bjorn le secouait par l'épaule. Salim! Répéta le chevalier. Elle a ouvert les yeux! Elle n'est pas morte! Il y eut une seconde de flottement, puis un hurlement a ébranlé les montagnes et Salim se précipita. Camille reposait dans les bras d'Elana, Edwin et Artis agenouillés près d'elle. Maniel avait entamé une danse de joie avec Maître Douaume, tandis que Chiamvit applaudissait de toutes ses forces. Le garçon ne leur prêta pas la moindre attention. Il plongea jusqu'à son ami. « Doucement !» le morigéna la marchombre. Mais elle souriait et se poussa un peu pour qu'il s'approche. Camille se tenait immobile, pâle, le chuchoteur niché dans son cou. Quand elle aperçut Salim, elle essaya de lever la main vers lui. Il arrêta son geste. « Non, ma vieille, ne bouge pas, tu vas encore te faire remarquer !» Tandis qu'il parlait, de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux. Il ne prit pas la peine de les essuyer et continua. « Ça va aller ?» Camille prit une douloureuse inspiration. Ils se penchèrent vers elle pour saisir ses paroles. « La dame, Salim » murmura-t-elle. « La dame dans les étoiles !» Le garçon, brusquement inquiet, sentit son sang se figer. Il se tourna vers Artis Valpierre, mais celui-ci venait de plonger dans son rêve. Il en émergea très vite. « Elle va bien, » le rassura-t-il. « Un simple délire dû au choc. Tout va rentrer dans l'ordre. » Camille tendit la main et agrippa le bras de son ami. « Les étoiles, Salim !» répéta-t-elle d'une voix plus forte, bien qu'encore éraillée. « Des millions d'étoiles !» Du bout du doigt, le garçon effleura sa joue. Il ne l'avait jamais touchée ainsi, et lorsqu'en réponse les grands yeux violets se posèrent sur lui, une digue céda quelque part dans son cœur. Un bref frisson d'abord, puis une vague d'émotion qui balaya toute appréhension. Il s'entendit lui parler, comme si personne d'autre n'avait été là pour l'entendre. « Où tu veux, Camille ?» chuchota-t-il. « J'irai où tu voudras. Je te suivrai partout, même dans les étoiles. Je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus, parce que sinon, moi je vais mourir pour de bon. » Parce que la vie sans toi n'a pas de goût, pas de sens. Parce que sans tes yeux, je suis aveugle. Sans tes mots, je me perds. Parce que sans toi, mon âme est nue. Sans toi, je ne suis rien. Parce que je t'aime. » Sa voix, malgré lui, avait porté et ses paroles avaient été reçues dans un silence complet. Il s'en moquait. Elle le fixait et dans ses iris, il lisait les étoiles dont elle avait parlé. Elana leva la tête et défia les autres du regard. « Que quelqu'un se permette la moindre réflexion », semblait-elle promettre. Ses menaces étaient inutiles. Artis Valpierre était tout pâle. Chiamvit, assis à côté de Maître Douaume, contemplait les deux adolescents avec émerveillement. Quant à Bjorn et Maniel, l'émotion les avait pétrifiés. Elana tourna les yeux vers Edwin qui lui sourit. La jeune femme voulut parler, mais se ravisa. L'instant n'était pas à elle, il appartenait à Camille et à Salim. En accord avec ses compagnons, elle les laissa en goûter la saveur. Il fallut plus d'une heure à Camille pour retrouver l'usage de son corps, et vers midi, alors que la troupe s'arrêtait pour le repas, elle put enfin se lever. Elle descendit du chariot où elle était restée ensevelie sous une montagne de couverture et s'approcha de ses compagnons. Le froid était encore plus vif que la veille. Et dans le ciel d'un bleu à couper le souffle, on ne voyait pas le moindre nuage. En direction du nord, se détachant avec une netteté surnaturelle, une barre de montagne déchirait l'azur de ses pics couronnés de neige. « La chaîne du pôle », indiqua Edwin. Nous en sommes encore loin, mais demain nous quitterons les plateaux d'Astariul. » Il tendit la main vers le nord-est, désignant une zone où les montagnes, toujours impressionnantes, étaient cependant moins hautes. « Les frontières de glace, » précisa-t-il. « Les Raïs sont toujours passés par cette brèche pour attaquer Gwen-Alavir. La citadelle des frontaliers a été bâtie là pour leur barrer le passage. » Camille frissonna et Salim se précipita jusqu'au chariot pour aller lui chercher une couverture supplémentaire. Il n'avait pas eu le temps de regretter sa déclaration. Alors qu'il repartait, après avoir plié le camp, Bjorn s'était approché de lui. Le grand chevalier, l'air grave, s'était contenté de poser les deux mains sur ses épaules et de le regarder longuement, avec fierté. Plus tard, tandis qu'il encourageait Cocotte et Bourrichon, Salim s'était senti puissamment heureux.